Elle posa ses deux mains sur les épaules de Jean et le tenant à la longueur de ses bras. « Mon enfant, tâchons d'être calmes et de ne pas nous attendrir. Laisse-moi te parler d'abord. Si je devais une seule fois entendre sur tes lèvres ce que j'entends depuis un mois dans la bouche de ton frère, si je devais une seule fois voir dans tes yeux ce que je lis dans les siens, si je devais deviner, rien que par un mot ou par un regard, que je te suis odieuse comme à lui, une heure après, tu entends, une heure après, je serai parti pour toujours. Maman, je te le jure. Laisse-moi parler. Depuis un mois, j'ai souffert tout ce qu'une créature peut souffrir. À partir du moment où j'ai compris que ton frère, comme notre fils me soupçonnait, et qu'il devinait, minute par minute, la vérité, tous les instants de ma vie ont été un martyr qu'il est impossible de t'exprimer. » Elle avait une voix si douloureuse que la contagion de sa torture emplit de larmes les yeux de Jean. Il voulut l'embrasser, mais elle le repoussa. « Laisse-moi, écoute, j'ai encore tant de choses à te dire pour que tu comprennes, mais tu ne comprendras pas. C'est que, si je devais rester, il faudrait... Non, je ne peux pas. Dis, maman, dis. Eh bien oui, au moins je ne t'aurais pas trompé. Tu veux que je reste avec toi, n'est-ce pas? Pour cela, pour que nous puissions nous voir encore, nous parler, nous rencontrer, toute la journée de la maison, car je n'ose plus ouvrir une porte, dans la peur de trouver ton frère derrière elle. Pour cela, il faut, non pas que tu me pardonnes, rien ne fait plus de mal qu'un pardon, mais que tu ne m'en veuilles pas de ce que j'ai fait. Il faut que tu te sentes assez fort, assez différent de tout le monde, pour te dire que tu n'es pas le fils de Roland, sans rougir de cela et sans mépriser. Moi, j'ai assez souffert. J'ai trop souffert. Je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Et ce n'est pas d'hier, va. C'est de longtemps. Mais tu ne pourras jamais comprendre ça, toi. Pour que nous puissions encore vivre ensemble et nous embrasser, mon petit Jean, dis-toi bien que si j'étais la maîtresse de ton père, j'étais encore plus sa femme, sa vraie femme. Que je n'en ai pas honte au fond du cœur, que je ne regrette rien, que je l'aime encore, tout mort qu'il est, que je l'aimerai toujours, que je n'ai aimé que lui, qu'il a été toute ma vie, toute ma joie, tout mon espoir, toute ma consolation, tout, tout, tout pour moi, pendant si longtemps. Écoute, mon petit, devant Dieu qui m'entend, je n'aurais jamais eu de bon dans l'existence si je ne l'avais pas rencontré. Jamais rien, pas une tendresse, pas une douceur, pas une de ces heures qui nous font tant regretter de vieillir, rien. Je lui dois tout. Je n'ai eu que lui au monde. Et puis vous deux, ton frère et toi. Sans vous, ce serait vide, noir et vide comme la nuit. Je n'aurais jamais aimé rien, rien connu, rien désiré. Je n'aurais pas seulement pleuré, car j'ai pleuré, mon petit Jean. Oh oui, j'ai pleuré depuis que nous sommes venus ici. Je m'étais donné à lui tout entière, corps et âme, pour toujours, avec bonheur. Et pendant plus de 10 ans, j'ai été sa femme, comme il a été mon mari devant Dieu, qui nous avait fait l'un pour l'autre. Et puis... j'ai compris qu'il m'aimait moins. Il était toujours bon et prévenant, mais je n'étais plus pour lui ce que j'avais été. C'était fini. Oh, que j'ai pleuré. Comme ces misérables trompeurs, la vie, il n'y a rien qui dure. Et nous sommes arrivés, ici. Et jamais je ne l'ai plus revu. Jamais il n'est venu. Il promettait, dans toutes ses lettres. Je l'attendais toujours, et je ne l'ai plus revu. Et voilà qu'il est mort. Mais il nous aimait encore, puisqu'il a pensé à toi. Moi, je l'aimerai jusqu'à mon dernier soupir, et je ne le renierai jamais. Et je t'aime, parce que tu es son enfant, et je ne pourrai pas avoir honte de lui devant toi. Comprends-tu? Je ne pourrai pas. Si tu veux que je reste, il faut que tu acceptes d'être son fils, et que nous parlions de lui quelquefois, et que tu l'aimes un peu, et que nous pensions à lui quand nous nous regarderons. Si tu ne veux pas, si tu ne peux pas, adieu, mon petit. Il est impossible que nous restions ensemble maintenant. Je ferai ce que tu décideras.